Togo, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le président de la République persiste. Les infrastructures construites hors normes doivent être démolies indépendamment de l'autorité du propriétaire. Évariste Ndayishimiye s'exprimait au cours d'une émission publique ce mercredi. Et plus de 200 candidats au concours d'entrée dans les pôles universitaires d'excellence se sont absentés au centre de passation de Gitega sur un effectif de près de 800 candidats attendus. Cette épreuve qui a débuté ce mercredi dans d'autres centres prend fin ce jeudi. Notre correspondant sera en ligne dès le début de ce journal. Et 370 personnes atteintes du choléra depuis le mois de novembre et parmi elles deux décès. Voilà le bilan donné par les autorités sanitaires de la ville d'Uvira. C'est en République démocratique du Congo. Notre correspondant là-bas sera en ligne pour les détails. Et dans la chronique parle et rassure-moi, un expert en transformation des conflits nous expliquera l'importance de révéler à son enfant l'identité classique et ethnique de ses parents. Voilà pour le sommaire. Bonjour. La passation du concours d'entrée dans les pôles universitaires d'excellence connaît un taux d'absence élevé à Gitega, avec 220 cas sur un effectif total de 796 candidats attendus, selon le chef du centre de passation de ce concours de Gitega. Ce concours, qui a commencé ce mercredi même dans d'autres centres du pays, prend fin demain et certains candidats disent qu'ils se sont bien préparés et espèrent réussir. Gérard Nibigira. 796 candidats étaient attendus pour passer le concours d'entrée dans les pôles universitaires d'excellence au centre de passation du concours de Gitega. Cependant, 220 cas d'absence ont été inventoriés, d'où donc ces 576 candidats, dont 270 filles qui sont entrées de passer ce concours, comme l'indique le chef du centre de sa passation, Chimaye Barthermi. C'est l'école paramédicale de Gitega qui abrite le centre de passation du concours d'entrée dans les pôles universitaires d'excellence d'aujourd'hui. Pour Chimaye Barthermi, son nombre des absents est élevé et les motifs de ces cas d'absence restent inconnus. Les candidats concourent donc pour entrer dans les facultés telles faculté de médecine, faculté d'agronomie et de bio-ingénierie, faculté des sciences et d'ingénieurs et faculté des statistiques. Ils sont originaires de différentes provinces, essentiellement Gitega et des provinces limitrophes, ajoute Chimaye Barthermi. Certains des candidats avec qui nous sommes entretenus disent qu'ils espèrent réussir du moment qu'ils se sont suffisamment préparés. Ce concours d'entrée dans les pôles universitaires d'excellence est surveillé par 16 personnes du secteur de l'éducation et il durera 2 jours à compter de ce mercredi. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. La diaspora burundaise compte mettre en place une carte de la diaspora, annonce faite par son secrétaire général et porte-parole, Veniste Niyongabo, qui précise que cette carte permettra de savoir le nombre de Burundais vivant à l'étranger. Il ajoute que cette diaspora participe au développement du pays dans le secteur, surtout de l'éducation et de l'agriculture. On l'écoute. Nous croyons que la carte de la diaspora nous aidera à se rapprocher au nombre exact des Burundis qui résident à l'étranger. La carte de la diaspora sera donnée à tout le monde qui le veut. La carte de la diaspora sera équivalente à une carte d'identité pour les Burundis qui résident en dehors du pays. La carte de la diaspora sera reconnue par le ministère des Relations extérieures. La carte de la diaspora sera admis par les ambassades qui reconnaissent les Burundis qui sont résidents ou qui travaillent à l'étranger. Dans les prochains jours, nous allons analyser et discuter avec les représentants des organisations pays. Aujourd'hui, ce sont plus de 31 pays appartenant aux 5 différents continents. Ensemble, nous allons identifier le projet à réaliser au Burundi. Je vous signale qu'à ce moment-ci, il existe les différents projets dans les différentes provinces du pays grâce aux contributions financières des membres de la diaspora burundi. C'était Veniste Niyongabo, secrétaire général et porte-parole de la diaspora burundaise. Plus de 20 ménages habitant l'extension du quartier Karurama au chef-lieu de la commune Rougombo en province Chibitoke sont menacés par un grand ravin qui n'en cesse de s'agrandir. Les habitants de ce quartier indiquent que le risque de démolition de leur maison est imminent si rien n'est fait pour les protéger. À la police de protection civile, on indique que cette situation sera traitée au sein de leur plateforme. Alexis Ndairagiche. Ce ravin a commencé avec un passage des eaux de certaines maisons du quartier Karurama Extension. Pour le moment, avec l'extension de ce quartier, une grande quantité des eaux de pluie et surtout de l'usine Boseko a pris comme passage ce ravin. Les habitants de ce quartier menacés par ce ravin indiquent qu'il atteint environ 3 mètres de profondeur et continue à s'élargir. Cette situation inquiète plus d'un des habitants de ce quartier que d'un moment à l'autre, ce ravin va atteindre les maisons si rien n'est fait pour protéger leur domicile. Ils affirment qu'ils ont déjà soumis cette situation aux autorités administratives, mais sans vain. Pour le moment, ces habitants de Karurama Extension précisent qu'une maison a été démolie par ce ravin, tout en affirmant que certaines personnes mal intentionnées ont commencé à jeter les immondices dans ce ravin. Au sein de la police chargée de la protection civile, le chargé de cette police à Chibitoke indique que cette situation sera soumise à la plateforme chargée de la protection civile pour analyser ce cas. Depuis Chibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Toujours dans les nouvelles des provinces, quatre variétés d'avocats, dont la choquette fortement vendue en Tanzanie, sont cultivées en commune Busiga de la province Ngozi. La population de cette commune parle d'une culture de grande importance, indiquant qu'un bon avocatier s'achète actuellement à 300 000 francs burundais, ce qui pousse certains habitants de Busiga à réserver une grande partie de leur propriété foncière à cette culture. Le Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage dit être au courant de la vente des avocats à l'étranger, vente qui a fait doubler le prix de cette denrée sur pas mal de centres d'Ngozi. Apollinaire Mozakara. En fait, plein d'avocats mûrs se vend entre 45 et 50 000 francs bourg en commune Rupide, les cultivateurs d'autres plantes, indiquent qu'un bon avocatier de 5 à 10 ans est à 250 000, voire 60 000 francs bourg, particulièrement la variété de choquette. Une enquête en cours sur cette plante angosée montre qu'en plus de la choquette, se trouvent d'autres variétés, dont Fouet, Hass, la variété locale et d'autres greffés dont certaines branches portent cette variété. Et sur d'autres, une autre variété. Dans cette commune au Siga, pas mal d'habitants allouent leur terrain actuellement à la culture d'avocatier, vu leur rentabilité. Ceux qui sont en possession de 500 pieds d'avocatier et plus se disent très satisfaits du revenu annuel qu'apporte l'avocat. Certains cadres du bureau provincial en charge de l'agriculture reconnaissent la valeur ajoutée dans les ménages de cette culture. Ils indiquent que la vente des avocats en Tanzanie et l'une des causes de la hausse du prix de cette denrée jusqu'au double sur bon nombre de centres de cette province. Donc aussi, Afone Muzagara, Radio Tanganyika. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La suite de ce journal, 370 personnes atteintes du choléra depuis le mois de novembre et parmi elles, deux décès. C'est le bilan de l'épidémie enregistrée dans la ville d'Uvira, en République démocratique du Congo. Notre correspondant dans ce pays voisin de l'Ouest, Jérémy Kouhima, s'est entretenu avec les autorités sanitaires. Il nous en donne les détails. Selon des informations recueillies auprès du point focal du choléra en zone de santé d'Uvira, M. Jem Saïdi annonce que cela a commencé au mois de novembre. Et c'est depuis la mi-novembre qu'on a connu des flambées de cas dans la zone santé d'Uvira. Et jusqu'à présent, nous continuons à avoir des cas de choléra. Mais on peut dire qu'actuellement, la tendance est en train de descendre petit à petit, mais à pas de tortue. La semaine 46, on avait enregistré 38 cas. Les cas ont monté à la semaine 47 à 42. La semaine 48, on est passé à 59. À la semaine 49, on est passé à 94 cas. À la semaine 50, les cas ont commencé à chuter petit à petit parce que à la semaine 50, on a enregistré 60. Et la semaine qui vient de s'achever, on vient d'enregistrer 62 cas avec un décès. Quels sont les endroits les plus concernés en cette ville, Jem Saïdi? Les cas sont vraiment un peu éparpillés dans tous les quartiers de la ville. Néanmoins, il y a certaines aires de santé qui rapportent plus, telles que les aires de santé de Kalundu, vers Kiaya, vers Kasenga, sans oublier aussi Kavimvira. Combien sont morts depuis la résurgence? Depuis la déclaration de l'épidémie, on a déjà enregistré 2 cas seulement de décès. Quels sont les moyens utilisés par la zone pour lutter contre et quels sont souvent les causes ou facteurs favorisants? 40 relais qui sont répartis dans des aides de santé qui font la sensibilisation. Cette sensibilisation se fait même au niveau des radios, les radios communautaires ici à la base. Et nous-mêmes, nous en profitons pour faire des sensibilisations au niveau des églises, au niveau des lieux publics. Et donc, tous les moyens sont réunis pour lutter contre cette maladie. Pour les facteurs favorisants, comme on l'a dit, dans la zone santé d'Ouvira, il y a un problème d'eau. Parfois, la régie des eaux n'est pas en mesure de fournir de l'eau à toute la population comme il se doit. Et il y a des ruptures même de la fourniture de l'eau pendant des semaines. Toutes les personnes qui vont à Fizi et qui reviennent, qui partent, ils passent toujours par Ouvira. Il y a aussi la rentrée des pluies, que la ville n'est pas vraiment assainie. Les déchets sont éparpillés par-ci, par-là. Si on peut ajouter à tout cela l'hygiène. Rappelez-vous qu'il y a environ un mois, la zone de Fizi au sud avait aussi et connit une épidémie mortelle. Depuis Ouvira, Jérémy Koyima pour Radio-Télévision Isanganiro. Merci Jérémy pour cette correspondance. Et puisque nous sommes dans l'actualité internationale, 8 mois après la mort d'Idrissa Déby Itno, les nouvelles autorités tchadiennes ont décidé d'ouvrir une nouvelle page dans les relations complexes entre les deux voisins, notamment avec la Centrafrique, lors des discussions entre le président centrafricain et une délégation tchadienne conduite par le ministre de la Défense en déplacement à Bangui ce mardi. Le dossier de la fermeture des frontières a été évoqué. Selon les médias centrafricains, l'audience a porté sur les conclusions de la dernière commission mixte Tchad-Centrafrique. Des conclusions qui invitent à la réouverture de la frontière entre les deux pays, fermée lorsque l'ancien président Idriss Déby Itno, lassé d'être accusé d'ingérence chez son voisin du sud, décida de couper le lien avec lui. Voilà, maintenant, on vient sur le discours du président de la République tout à l'heure dans l'émission publique des réponses qu'il a données au public et aux journalistes de la place. C'est interdit pour une autorité étatique de punir de façon zélée et jalouse, c'est ce que déclare le chef de l'État lors de l'émission publique ce mercredi, où il a révélé que certaines autorités lui cachent ce qui ne va pas. Le président Évariste Ndayishimiye prévient aussi que l'État ne va tolérer aucune personne auteur des actes de torture. Elini Bel Nibigira. Au cours de cette émission publique, répondant aux questions des journalistes et de la population, le président de la République revient sur les défaillances de certaines autorités du pays. Parmi les défaillances figurent le zèle et la jalousie pour sanctionner. Il y a des gens qui semblent être zélés pour punir. Normalement, l'État ou le responsable étatique ne devrait pas être zélé ou jaloux pour abuser de leur autorité. Il y a même ceux qui menacent « Est-ce que tu me connais? Je peux t'emprisonner. » Mais c'est un comportement qui date de longtemps que les Burundais ont des difficultés à changer. Il y a même ceux qui me narguent que je ne pourrai pas être omniprésent et refusent de bien travailler à ma place. C'est pourquoi je consulte beaucoup plus la population qui m'informe ce qui ne va pas. Le numéro 1 burundais s'exprime aussi sur la personne récemment morte suite aux actes de torture subis au Service national des renseignements. Selon lui, même si la personne en question était accusée de détenir 5 fusils, il ne méritait pas le traitement dégradant. Concernant les gens torturés au service secret, moi je voudrais vous dire que la personne auteur de torture n'était même pas au service. Il y a des gens que je classe parmi les zélés, abusant de leur pouvoir. Il y a des Burundais toujours animés de mauvaise foi. L'agent a tabassé la personne en question. Nous ne tolérerons jamais tout auteur de l'acte de torture. Concernant les gens arrêtés puis portés disparus, le président Évariste Ndayishimiye précise que le Burundi connaît des malfaiteurs regroupés dans des bandes qui enlèvent des gens et parmi ces gens figurent certains éléments de sécurité, reconnaît le président de la République. Le président Évariste Ndayishimiye qui a également persisté en déclarant que toutes les infrastructures construites hors normes doivent être démolies sans toutefois tenir compte de l'autorité de son propriétaire. Lors de l'émission publique ce mercredi, le président de la République a rappelé que la loi s'applique de la même manière à tous les Burundais. Et sur la question des démolitions exécutées alors que les propriétaires possèdent des titres de propriété, Évariste Ndayishimiye condamne ceux qui ont attribué ces parcelles en violation de la loi. On l'écoute. Et c'est vrai qu'on montre la maison qui a été sautée pour que j'exécute sa démolition moi-même et que celui qui se croit intouchable soit réduit au même pied que les autres Burundais. Le Tout-Puissant que nous avons au Burundi n'est autre que Dieu. C'est lui qui a des documents justificatifs dont le titre de propriété doit le montrer et dire c'est lui qui le lui a fourni. Moi aussi, je suis sous la loi. C'est ce que j'ai demandé aux fonctionnaires qui se croient supérieurs. Pourquoi punit-on le président? C'est mentionné dans la Constitution nationale que le président est puni de fautes de haute trahison. Comment peut-on punir le président de la République et laisser ses autres gens? Si l'impunité persiste, signe, je vais prendre les choses en main. Parle, rassure-moi. Révéler l'identité clanique et ethnique à son enfant est nécessaire afin de lui épargner d'avoir de fausses informations de l'extérieur. Pour l'expert en transformation des conflits Chartier et Niungeko, les parents doivent partir de l'histoire pour montrer à l'enfant les erreurs du passé à ne plus commettre. Cet expert précise que si l'enfant grandit avec des rumeurs, le risque est de créer un cycle de violence ethnique. Ornella Mouch. Au fur du temps que l'enfant grandit, il cherche à découvrir son identité. L'expert en résolution et transformation des conflits, Chartier Niungeko, trouve alors qu'il est nécessaire que les parents informent à leurs enfants, mais de façon positive, l'identité ethnique et clanique. Lorsque l'enfant cherche lui-même à découvrir son identité clanique et ethnique, des fois, c'est qu'il reçoit de mauvaises informations, il reçoit des rumeurs. C'est pourquoi, pour moi, c'est possible de transmettre l'identité clanique et ethnique en alpha d'une manière positive. Pourquoi? Parce que quand on est dans une famille, et la famille est la première institution de socialisation, et la famille est la première institution qui montre les racines d'une personne. Donc dire à un enfant que vous êtes ça, ou d'une manière positive, ça c'est pas vraiment pour moi un problème. Comment alors transmettre l'identité ethnique ou clanique? Il l'explique. Comme la vie est faite de la diversité, on doit aussi partir de cette histoire, montrer à l'enfant que la diversité sociale est quelque chose de naturel et quelque chose de normal. Comme nous sommes dans un contexte où nous avons connu beaucoup de problèmes liés aux identités ethniques, on doit aussi dire à l'enfant qu'il y a eu mauvaise compréhension ou mauvaise conception en rapport avec les identités ethniques. Alors, pour moi, c'est partir de l'histoire, montrer les bienfaits de l'histoire, les erreurs du passé, et puis leur montrer que la diversité ethnique, la diversité raciale est une chose normale et que d'ailleurs c'est ça, l'ouverture de la vie de manière générale. Souvent, les parents ne tiraient pas attention aux messages de haine et surtout à présence des enfants lors des moments de commémoration de violences de masse. Et comme conséquence, l'enfant grandit avec une autre image de l'histoire du pays. Quand on transmet d'une manière négative l'identité ethnique à l'enfant, c'est-à-dire qu'on est en train d'empoisonner l'enfant sans toutefois le savoir. Parce qu'on va grandir avec des messages mensongers et on va dire « Ok, moi, même si j'ai grandi dans telle société, mes parents ont connu ça et ça, mes grands-parents ont connu ça et ça. » C'est-à-dire qu'on va même grandir avec ce que je dirais des potentialités de violence en soi-même sans toutefois le savoir. Il suffira de connaître ou de vivre dans un événement qui va raviver quelques traits identitaires. Directement, on va réagir à base de ce qu'on a reçu comme information et de ce qu'on a cru. Cet expert rappelle que transmettre un message concernant l'identité biaisée, le risque, c'est de créer un cycle de violence ethnique sans le savoir.